suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, le surf, une vague mondiale. Une série documentaire de Raphaël Kraft réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Au départ de cette série, il y a l'envie d'air marin, d'écume et d'embrun, le plaisir de parvenir à se lever sur une planche et de glisser, et la joie de voir de plus en plus de femmes dans le monde du surf. Alors pour commencer, les personnages. Une surfeuse professionnelle, un historien qui déroule, des garçons de plage, deux sœurs fascinées, une pionnière imbattable, une water woman, un sociologue, une surfeuse à la retraite, une journaliste et une nouvelle génération de championnes. Ensuite, le décor, le pic, des séries, l'eau, le tube, une silhouette, des spectatrices, le machisme, le marketing, des sponsors, des corps parfaits, des lignes de l'agressivité et de la puissance. Aujourd'hui, 3e épisode, on demande des conseils. Comment tu fais pour prendre une vague? Comment ça se passe? Alors déjà, j'observe la ligne d'horizon. En général, quand il y a une série de vagues plus grosses qui arrivent, l'horizon, il est un petit peu troublé. Ouais. Donc là, je vais me placer à l'endroit qui est approprié, donc en fonction de mes alignements, de chaque côté, vers la plage et sur le côté. Et ensuite, donc, je vais ramer bien droit vers la plage, en donnant beaucoup d'intensité, parce que je veux avoir de la vitesse pour que quand la vague, elle m'emporte, je puisse glisser en même temps qu'elle. C'est vachement important. Voilà, et ensuite, dès que je sens que la vague m'a prise, je peux me lever et donner une direction à ma planche, à la fois en regardant là où je veux aller et en envoyant ma main là où je veux aller. Attention. Là, il va falloir faire un canard. Ouais. Surfeuse. Ouais. Où est-ce qu'on est Léa Brassy, hein. Là, on est sur la côte sud des Landes, sur la plage de Tarnos. Oui, plus précisément. Bah là, on est dans l'eau, en fait. À quel endroit? Et bah, on est au pic pour aller prendre des vagues. C'est quoi le pic? Le pic, donc on est à l'endroit où les vagues déferlent. C'est là qu'on les attrape pour pouvoir surfer des vagues. Et donc c'est ici qu'on attend en quelque sorte. Alors c'est de l'attente active, oui, mais c'est ici qu'on se place pour être le plus à même de prendre les vagues les plus grosses quand elles arrivent. Les vagues, on les appelle les vagues de série, elles viennent par 3-4 et c'est des vagues qui sont plus grosses que les autres. Et c'est celle-là qui nous intéresse. Dans l'eau, c'est un monde à part. La rythmique n'est pas la même parce que des fois on est coupé en pleine conversation par des vagues. On peut reprendre la conversation au même endroit 10 minutes plus tard. Quelque part on s'autorise des choses au niveau communication qu'on ne s'autoriserait pas sur Terre. Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles ça fait tant de bien. Jérémy Lemarié, historien et sociologue. Alors il est vrai que le surf était pratiqué partout, ça, ouais. À la fois. Femmes, hommes, mais aussi enfants, personnes adultes et même plus âgées. Et à vrai dire, à certains égards, la femme était vraiment utilisée comme un moyen d'améliorer son autorité, et notamment de monter dans les rangs hiérarchiques de la royauté, puisque c'était en partie par les femmes qu'on pouvait assurer le caractère prestigieux d'une lignée royale. C'est au moment où le E'e Nalu, le surf traditionnel hawaïen, devient le surf moderne américain, que la femme est finalement reléguée sur la plage. Oui, ça à tous les niveaux. C'est-à-dire que les premiers à fonder des clubs de surf à Hawaï, ce sont soit des Hawaïens, dont le métier est celui de garçon de plage. Donc ils doivent à la fois accueillir les touristes, mais aussi, bien évidemment, donner des cours de surf. Et donc on se retrouve avec des moniteurs, garçons de plage, uniquement masculins. Et puis du côté des occidentaux, ceux qui ont fondé un des plus grands clubs de surf occidental à Waikiki, hein, c'est le Outrigger Canoe Club. Et donc dans un esprit très club anglais, exclusivement masculin, donc ségrégué à la fois racialement, mais aussi sexuellement. Pourtant, on va voir un surf féminin qui va se développer. à Waikiki entre ces années 1910-1940, parce que ces Beach Boys vont le plus souvent enseigner le surf à des femmes. Parce que Waikiki est un peu réservé à ces femmes qui cherchent des activités en attendant que leur époux soit s'affaire à Honolulu, soit à l'inverse préfère d'autres activités. Et donc on va se retrouver à avoir énormément de beach boys, donc ces garçons de plage hawaïens qui vont apprendre aux femmes occidentales le surf. Ils étaient d'ailleurs assez surveillés, c'est-à-dire qu'il y avait un code strict de la part de ces beach boys à respecter. Ils devaient être bien entretenus et également entretenir des relations cordiales avec ces touristes occidentales. Il y a quelques histoires où ces touristes occidentales, donc féminines, étaient séduites et certaines d'entre elles, en fait, se sont mariées avec des Beach Boys. Marichu Darigrand, surfeuse et fondatrice de la marque féminine Roxy. En fait, je suis quand même originaire de la région. La famille de mon père est de Bayonne. Donc j'ai pris très jeune le goût de l'eau. À Biarritz, on avait ces petites planches en bois qu'on appelait les planquis. Et moi, je passais l'été à suivre des vagues, même toutes petites, au bord de l'eau. Donc j'ai vraiment eu cet engouement pour la mer et les vagues. Donc j'ai jamais eu peur des vagues, je suis un peu casse-cou. Hein, donc j'ai toujours adoré battre un peu avec les éléments. Et puis petit à petit, je pense que c'est venu aussi du fait de... fin des années 68, 69, l'arrivée de tous ces surfeurs à Biarritz qui m'ont un peu titillé l'esprit. Et puis je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose qui m'a aussi attiré, c'est le style de vie de ces surfeurs. Les parents les voyaient comme des drogués, des gens qui faisaient n'importe quoi. Donc moi et ma sœur, hein, Brigitte, on faisait souvent, comme on dit, le mur, hein, parce que... On avait quand même un petit Solex. On habitait à la campagne un peu plus loin, mais on partait très souvent et on allait faire nos soirées au Steakhouse, qui était quand même incroyable. Ces surfeurs, ils incarnaient la Californie, ils incarnaient également les vagues d'Australie, ils incarnaient une culture. Ils étaient beaux aussi. Ils étaient beaux. Justement, ils étaient très beaux. Donc tout ça a fait que la mayonnaise a bien pris. Mais à cette époque-là, je ne surfais pas. J'étais plus spectatrice. Et en fait, ça s'est passé parce qu'on m'a un peu poussée. Et dès qu'on m'a poussée, je me suis dit, c'est pour moi. C'était c'était sur l'île Maurice. Et il y avait un surfeur, Joey Cabell, et toute une équipe. Donc j'avais la notion de la vague, il suffisait de me lever. Et eux m'ont dit, maintenant c'est bon. Ils m'ont dit, tu passes debout, c'est fini de rester allongé. Ils m'ont chépé une planche et du coup, pof, parti. Et j'étais atteinte de ce fameux virus de la glisse. Et j'ai découvert toutes ces sensations dont je rêvais depuis très longtemps, de pouvoir faire ce que toutes ces personnes que j'avais rencontrées faisaient. Vous avez quel âge à ce moment-là ? 22 ans, 23 ans. Ça m'a marqué parce qu'on s'était dit toujours que c'est un sport très masculin, alors que cette sensation, elle peut être acquise, elle peut être ressentie par les femmes, d'autant plus, parce qu'on est hypersensible aussi. Donc ça m'a un peu surpris, le fait que ça soit resté très masculin, ce sport, jusqu'à cette époque-là. On avait la notion que pour faire du surf, il fallait être super musclé, super costaud, il fallait pouvoir porter sa planche qui pesait je ne sais pas combien de kilos. Donc c'était réservé aux hommes en plus d'un certain gabarit. Et cette sensation pourtant qui devait exister dans les années à Hawaï et dans Polynésie, que ce sport était accessible aux femmes, donc, c'était pratiqué d'une autre façon. Mais tout d'un coup, il y a eu ce côté, ce sport a été accaparé par les hommes pendant longtemps. Hein. Donc à partir des années 60, même des années 50, les femmes entrent en compétition, mais ça reste quelque chose de tout à fait embryonnaire. Alors effectivement, ça reste embryonnaire. On estime qu'à ce moment-là, la pratique féminine ne serait que de 5%, peut-être 10% pour les plus hautes estimations. Mais tout de même, il y a certaines surfeuses qui se font remarquer et dont sans doute l'une des plus importantes, c'est Joss Eiffman. Alors Joyce, c'est un cas de figure assez intéressant puisque c'est une femme qui est élégante, c'est une grande surfeuse, blonde, qui finalement a tous les atouts esthétiques qui répond assez bien au canon de la beauté occidentale. Cependant, elle va se mettre à surfer de manière assez agressive, c'est-à-dire que pour elle, le surf, ce n'est pas un loisir, c'est avant tout une compétition. C'est une des raisons pour lesquelles on la reconnaît comme étant une des grandes fers de lance du surf féminin, c'est qu'à partir des années 1963, 4, 5 et 6, 7 environ, elle a 4 à 5 ans de gloire où elle demeure imbattable dans la très grande majorité des compétitions de surf de la Californie durant ces années, donc les années 60. Et elle va faire la une de Vogue, la une de Life, et c'est certainement la plus grande médiatisation d'une femme dans le monde des médias. Effectivement, c'est là où on commence à avoir des femmes qui sont d'ailleurs plus médiatisées par ce que l'on appelle des médias de masse, donc comme Life par exemple, qu'elles le sont dans des magazines de surf. Elle fut l'une des championnes du monde en 1965, même en 66, je crois, au Pérou, et le magazine Surfer ne lui dédie qu'une seule ligne. Et le magazine Surfer ne publiera pas chaque année, d'ailleurs, les résultats des championnats du monde féminin de surf. Effectivement, et ce magazine était largement masculin, c'est-à-dire à la fois tout le personnel de surfeur était des hommes, et donc on couvert tout cet univers du surf trip, qui est largement un univers masculin, de la conquête, de la rencontre avec les autres cultures, finalement de cet homme qui appartient au monde de la culture, alors que les femmes, même encore plus dans les années 60, étaient toujours relayées à la sphère domestique et aussi au monde de la nature. Donc les femmes aux États-Unis n'échappent pas au sexisme, à la relégation, et elles vont se battre pour avoir leur compétition, pour avoir un accès aux vagues. Comment ça se passe? Ça commence peut-être par la création du Women International Surfing Association, l'association internationale de surf féminin. La WISA. Alors, cette association a été fondée en 1975 en réponse à la création de l'ISA, de l'International Surfing Association, qui était essentiellement masculine. Et je pense une figure incontournable, c'est une surfeuse qui s'appelle Jericho Poplar. Alors Jericho Poplar, elle a un parcours intéressant parce qu'elle est née dans les quartiers aisés de Long Beach en 1951. Et elle se retrouve avec une famille qui aussi lui transmet son caractère sportif. Et ce qui est intéressant avec Jericho Poplar, c'est qu'elle joue sur les deux registres du sexe féminin et du sexe masculin. C'est-à-dire que dans le surf, elle va adopter un style de glisse qui est en conformité à ce qu'on attend d'une femme, c'est-à-dire un style de glisse qui est sur la danse, sur la grâce, sur l'élégance, sur l'entretien corporel aussi, et donc qui va finalement pouvoir intégrer le monde du surf eh bien, se conformant aux rôles sociaux prescrits de ce que l'on attend d'être une femme sur une planche. Mais aussi, elle a très rapidement compris que si elle voulait gagner en légitimité et faire monter le monde féminin, il fallait qu'elle investisse le registre masculin, c'est-à-dire du surf de grosses vagues. C'est une des premières à surfer notamment le North Shore d'Hawaï avec des vagues allant de 8-10 mètres. Elle va jouer sur ces deux registres-là. Elle va être forte, courageuse, montrer que les femmes aussi peuvent dompter les éléments comme le feraient les hommes. Et être aussi en capacité de s'organiser en tant qu'organisation non gouvernementale mondiale de surf. Et donc elle cofonde en 1975 la Women International Surfing Association, et Jericho Poplar en a été une actrice à part entière. Vous progressez vite puisque vous devenez championne de France de surf en 1979. C'est-à-dire que, bon, après, championne de France, à l'époque, on était peu nombreuses. Et bon, moi, j'aimais bien les vagues un peu... Bon, j'avais pas froid aux yeux, j'aimais bien un peu les vagues qui étaient grosses, quoi. Le jour où on a surfé à la barre, les vagues étaient bien de 2,50 m, 3 m. Donc, je suis partie sur deux vagues et puis voilà, quoi, j'ai eu mon titre. Dans les années 70-80, il y a déjà des figures mythiques qui apparaissent. Est-ce qu'il y a des femmes déjà qui incarnent le surf? J'ai toujours eu une personne que j'ai admirée, que j'ai côtoyée, que j'ai voulu peut-être. Pas, je ne peux pas lui ressembler parce que c'est impossible, mais c'était une personne qui s'appelle Realson, qui habitait à Hawaï. C'était là, comme on dit, l'arène de Maka, un endroit un peu spécial d'Hawaï qui est un peu réservé aux locaux. Donc elle représentait aussi bien la culture surf que la water woman qui passait sa vie dans l'océan, mais aussi toute la culture hawaïenne. Donc ça c'était très important pour ce côté environnement qui m'a marqué dès le début. C'était mon idole. Après il y en a eu d'autres, mais elle c'était plus fort pour moi. C'est marrant parce que toutes les surfeuses que nous rencontrons, les documents que nous lisons, la surfeuse idéale chez les femmes semble être, alors peut-être pas pour toutes les générations, mais semble être justement cette femme hawaïenne qui incarne le surf anticolonial, c'est-à-dire cette époque avant la découverte des îles Hawaï par le capitaine Cook, où la femme avait toute sa place dans le surf. Et où la pratique n'était ségrégée que socialement et pas par les sexes. Ben oui, pour moi c'est très important. Et bon, j'ai eu la chance de vivre chez elle, de vivre avec elle, de vivre des expériences extraordinaires avec elle, et de côtoyer aussi sa maladie, parce que j'avais jusqu'à présent, je n'ai jamais pensé à la mort ou à quoi que ce soit. Et c'est avec Realson aussi que j'ai pris conscience de certaines choses qu'on pouvait finalement... Eh ben, on n'était pas intouchable par ce genre de choses, alors qu'elle paraissait intouchable. Donc ça m'a aussi vraiment marqué de vivre cette expérience avec elle. Realson qui est atteinte dans les années 80 par un cancer du sein. Il y a rémission et puis finalement, elle décède au milieu des années 90. Exactement. C'est d'autant plus dur quand on voit une personne comme ça qui a une telle aura et qui part, quoi. C'est d'autant plus dur. C'est une forte personnalité. Et appréciée par tout le monde, pas que pour les surfeurs. Elle avait un aura dans le monde de la culture, dans tout ce que représentait la culture hawaïenne. C'était très très fort. Alors il y a plusieurs musiques qui ont été écrites en son hommage, et notamment celle du groupe Slack Tone qui s'appelle Relson Aloha. Je vois encore des images d'elle, elle a une telle grâce. Je vois l'image d'elle sur sa planche, au bout de sa planche, un ten avec le bras en l'air, enfin ses cheveux longs hawaïens, enfin le style hawaïen de l'époque. Une très belle, très très belle personne qu'on a envie de côtoyer et de voir tous les jours, parce qu'elle a un cœur aussi généreux. Elle est la maman de tout le monde, la copine de tout le monde, la vraie water woman, à l'aise dans tous les éléments. Moi, je me rappelle aussi d'être au line-up à Maka. On voit une série arriver et on a l'impression qu'elle voit la série avant tout le monde. Elle ressent l'océan plus vite que tout le monde, et elle est toujours là, à l'affût, elle a l'œil, c'est l'œil de l'océan, et elle va me dire, tiens, Marichu, vas-y, c'est ta vague. Et j'y vais, et j'ai la plus belle vague de la journée. Taha El Azaoui, sociologue. Alors, dans l'évolution à travers le temps, si on revient en fait sur les années 60, on va dire 70, là, on est souvent sur les femmes qui vont être spectatrices quand bien même il y avait des femmes surfeuses dès les années 60, et ça on a des archives, mais elles n'étaient pas médiatisées. Donc l'évolution, ça a été tout d'abord qu'on avait dans un premier temps une représentation stéréotypée où on attribuait à la femme le rôle de spectatrice du surfeur. Donc dans la première typologie que j'ai fait un petit peu dans cette analyse iconographique, c'était justement ce que j'appelle la femme pour surfeur. Donc qui va être forcément l'admiratrice, qui va être béate devant les qualités viriles et qui n'est concevable à l'image que dans un rôle de spectatrice. Ce rôle-là, il a été, on va dire, densifié et répété à l'envi par bien des médias. Et cette caricature a abouti dans les années 80. Alors c'est une caricature qui est basée sur une réalité quand on regarde les compétitions sur les plages parfois. Mais on a abouti à quelque chose qu'on a appelé la surfer's widow. La veuve de surfeur, qui est distincte de la femme à surfeur. Ouais. Une femme à surfeur qui est en bikini. Voilà. Alors, en gros, on est un peu dans le scénario de la séduction. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la femme, donc, que j'ai appelée la femme pour surfeur, qui va être là sur la plage dans une position de séductrice. Elle n'a pas encore conquis, on va dire, le surfeur. Et qu'à chaque fois qu'il y avait des compétitions, il y avait tous les champions de surf qui venaient. Ça peut être aussi une forme de compétition dans la séduction, de se dire « j'ai réussi à séduire tel surfeur, tel champion, etc. » Alors voilà, cette caricature-là de la femme pour surfeur a quelques bases. Après, elle a été beaucoup montée en épingle. Et c'est pas forcément la réalité, donc dans les années 80-90, où les jeunes femmes se sont de plus en plus intéressées à la pratique du surf, avec des résistances à la fois sur l'accessibilité à la pratique pour certains spots où il pouvait y avoir une ambiance machiste, et il peut y avoir aussi des résistances autres qui sont que le matériel au début était profilé pour les corps masculins, il n'y avait aucune étude ergonomique, il y avait aussi dans les clubs aucune monitrice dans un premier temps, c'était compliqué pour les jeunes de s'identifier. Et là, par contre, il y a une bascule qui était considérable dans les années 90. Cette bascule a été que, ces jeunes femmes, elles ont pu avoir un peu plus d'appui parce qu'elles ont pu s'identifier à des monitrices dans les clubs. Elles ont vu petit à petit les marques s'intéresser à elles. Alors, il y a la sphère économique qui rentre là-dedans avec le médiatique, c'est-à-dire que les marques ont compris que les vêtements, et notamment maillot de bain, étaient le poids lourd dans leur chiffre d'affaires. Et donc, à partir de là, il y a eu une métamorphose où elles ont eu droit à l'image, droit à paraître, droit au niveau sportif aussi à revendiquer de faire des compétitions dans des conditions décentes de vagues, revendiquer des prize money plus importants. Et donc cette révolution-là, au bout d'un moment, elle a été aussi dans une hyper-médiatisation. Là, on est arrivé dans la femme surfeuse, qui apparaît à part entière, qui a conquis une des dernières citadelles du sport viril masculin. Et avec cette conquête de citadelle, elles sont rentrées aussi dans la sphère médiatico-économique de qu'est-ce que c'est que le corps à la plage, qu'est-ce que c'est que le corps de la femme dans les images de médias, pourquoi on va récupérer une érotisation de ce corps, quels sont les enjeux pour des jeunes qui vont aller dans le milieu de la compétition. Et là, tout se complexifie, puisque finalement, on n'est plus dans quelque chose de très net. C'est pas juste une bascule franche où elles ont accès au sport, elles sont à égalité avec les hommes, et ça y est, on a conquis la chose. Mais je dirais que pour la conquête de cette égalité de place et puis de statut et d'image, il y a aussi la question de la maîtrise de leur image qui rentre en jeu. Marie-Tchou Darigrand, à cette époque, vous êtes surfeuse, puis vous devenez promoteuse de glisse et vous vous transformez petit à petit en femme d'affaires. Qu'est-ce qui vous pousse à créer Roxy ? En fait, c'est vrai qu'on aimait bien s'habiller avec des vêtements de surf. Mais les vêtements de surf, ils étaient quand même conçus par des hommes pour des hommes. Hein. Donc il y avait 2-3 produits pour femmes, mais c'était vraiment du bidouillage de dernière minute. Ouais. Voilà. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que c'est le moment où tout le monde a ressenti qu'il se passait quelque chose. Il y avait le phénomène Lisa Andersen, qui était quand même une femme hyper féminine, belle, hyper forte, qui surfait comme un homme, hein, qui avait quand même son côté féminin et qui avait envie d'avoir un short qui lui corresponde et qui lui aille, surtout. Et de là est partie l'idée de lancer une ligne féminine avec surtout un nom différent. donc la création de Roxy. C'est quoi une Roxy Girl ? C'est drôle parce que c'est un terme aussi qui est presque devenu générique. On était une Roxy Girl parce que d'abord il y avait le côté sain, le côté sportif, le côté joie de vivre. Bon, bien sûr, il y avait une beauté, mais c'était une beauté naturelle. C'était pas le mannequin qu'on voit dans les magazines, c'était autre chose. Et ce qui a fait la force de la marque, parce que Roxy représentait autre chose, l'autre côté féminin, plus naturel. C'est une fille naturelle. Aujourd'hui encore, et c'était le cas également dans les années 90, la Roxy Girl, c'est certes une surfeuse qui est dans l'action, mais c'est aussi un mannequin. Bien sûr, c'est un peu. Vous avez raison, parce que c'est vrai qu'on a été critiqué, parce que on se dit oui, mais bon, si on n'a pas un look de mannequin, on peut pas rentrer chez Roxy. Bon, pour moi, à l'époque, c'était pas vrai. Mm-hmm. Pour moi, le plus important, c'était la performance, mais pas que. Après, c'est vrai que quelquefois, bon, on nous a critiqué parce qu'on a mis de très belles femmes en photo, mais bon, au début, je pense pas que c'était ça. C'est un peu dévié après. Peut-être aussi par le fait que certains, à un moment donné, c'est des hommes qui ont pris la direction. Et là, ça a un peu évolué. La plastique était peut-être à ce moment-là plus importante. Je pense que si le choix était fait par un homme, ils n'ont pas les mêmes critères, ils n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Alors que quand c'était moi et mon équipe, on n'était que des femmes, on voyait les choses différemment. Et ça, je pense que c'est très important. Vous voulez parler de cette vidéo de 2013 où on voit Stéphanie Gilmore dans son lit. On ne voit pas son visage, elle se réveille, elle regarde l'océan. On ne voit toujours pas son visage. On la voit prendre sa douche, on voit ses formes. Elle va à l'eau et on ne la voit même pas surfer, on n'a même pas vu son visage. C'est ça dont vous... C'est un peu ça, et je sais que c'est quelque chose que moi, j'aurais jamais fait. Bon, c'est pas, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même vision des choses. Et pour ça que je trouve que quand une marque féminine, enfin de femme, est dirigée par une femme, on ne voit pas les mêmes choses. Parce que voilà, c'est comme ça. Nous, on ne voit pas une femme parce qu'elle a des gros seins ou qu'elle a, elle a une belle paire de fesses, etc. C'est pas ça qui compte, c'est autre chose. Alors, c'est là où on peut intervenir donc sur cette idée d'image et d'érotisation du corps. C'est-à-dire que on se rend compte que on a une attente envers les femmes qui est double, qui est au-delà de celle qu'on attend envers les hommes. C'est-à-dire que on veut d'elles qu'elles remplissent et le contrat sportif, athlétique, et en plus de ça, un contrat de corps désirable, beau, parce qu'il va être facile à montrer et qui va servir de support à vêtements et de devenir des véhicules pour les campagnes publicitaires, des véhicules privilégiés aussi en termes d'image de ce que doit être la bonne sportive, l'image bien séante aussi de ce que doit être la féminité pour la presse grand public ou pour la télévision grand public. Donc par rapport à ça, on revient dans des problématiques qui sont très concrètement sur le terrain, effectivement pour les surfeuses. Donc j'avais recueilli des entretiens au moment du Roxy Jam 2009-2010. Roxy Jam, compétition féminine organisée par la marque Roxy. Voilà, qui est aussi un festival sur lequel se greffent des concerts de musique, des expositions, avec donc une présentation de ce que je dirais un féminisme marketing aussi, sur lequel les marques vont jouer pour avoir une plus-value d'image. Et donc, dans ces rencontres-là de terrain, j'ai rencontré des jeunes surfeuses 17-18 ans, pro, nationales, internationales, qui me confiaient qu'elles étaient conscientes qu'elles avaient leur place parce qu'elles avaient une plastique physique conforme, effectivement, aux normes des mannequins des années 2000. Et qu'elles étaient aussi tristes, finalement, à demi-mot, que d'autres jeunes filles qui avaient la valeur sportive et athlétique soient écartées finalement d'un sponsoring qui permettait des conditions d'entraînement intenses, et ces conditions d'entraînement faisaient aussi d'elles qu'elles restaient au niveau national ou international. C'est-à-dire que concrètement, avoir un beau physique de mannequin à 15 ans, 14-15 ans, on a les stages payés par la marque tous les hivers en Australie pour surfer 4 à 6 heures à 8 heures par jour, et pouvoir rentrer des figures qui vont être cotées dans les tables de cotation des compétitions internationales. Et que on sait très bien que si on n'a pas le sponsor et qu'on reste à 14, 15, 16 ans sur la côte française avec l'eau froide, on va va s'entraîner beaucoup moins d'heures et on va aboutir à ne pas pouvoir être aussi bien championne à 17, 18 ans, 19 ans. Donc les enjeux, ils sont aussi purement dans la carrière sportive. Elles sont aussi en train de construire un capital, leur corps, c'est un passeport professionnel, et dans des conditions où, ben, finalement, pour obtenir le résultat, c'est-à-dire percer, on va être dans des contraintes de normes d'idéal de beauté. Claire Karabatsos, ancienne surfeuse professionnelle. Pour moi, le professionnalisme a commencé en 2000. Oui. Jusqu'alors, ben, le surf, pour moi, c'était la détente. Je ne voulais pas entendre parler de compétition en surf. J'étais au lycée, il y a eu le début du surf études. On m'a beaucoup sollicité pour y participer. J'ai toujours refusé, mais j'ai jamais voulu faire de la compétition ou gagner de l'argent grâce au surf. Pour moi, le surf, c'était la liberté, c'était la détente, c'était m'amuser avec mes copains, c'était prendre des jolies vagues, être dans un milieu que j'adore. Et je voulais pas le gâcher par des contraintes. J'avais essayé de faire quelques compétitions quand j'étais au collège, au lycée. Mais ce que j'ai vu là, c'était pas du tout ce que je connaissais avec le surf. Il fallait surfer selon certains critères. Les filles, c'était toujours quand c'était le plus pourri qu'on devait passer. Et les filles étant peu nombreuses et le niveau étant pas forcément très élevé, eh bien, nous étions toujours soit à marée basse quand il n'y avait quasiment pas de vagues, soit quand le vent s'était levé. Enfin, c'était un peu la catégorie sous-classée. Même les garçons reconnaissaient qu'on nous faisait passer dans les pires conditions et c'était comme ça. Donc c'est pour ça que jeune, je n'ai pas fait de compétition. J'ai commencé à partir des années 2000, ça m'a permis de voyager. Donc faire des compétitions me permettait d'avoir un sponsor, me permettait d'avoir du matériel, me permettait d'avoir un petit budget. Oh, pas très gros, hein. Pour les compétitions européennes, je les faisais en dormant dans ma voiture, donc le budget était assez réduit, mais me permettait pendant une certaine période de pouvoir faire le tour du monde et de voir d'autres pays, d'autres vagues, d'autres gens, et de vivre ainsi. Donc vous commencez au début des années 2000, vous avez 22 ans. Oui. Quelle est la place de la femme au début des années 2000 dans le circuit professionnel ? Ben, toujours un peu la même chose. On fait des séries de filles parce qu'il faut en faire, mais on les considère pas vraiment. Ça, c'était dans la grande majorité. Il y a eu quelques organisateurs qui étaient corrects, ça c'est sûr, mais c'était pas la grande majorité. Ce que j'ai apprécié, c'était plutôt la discipline longboard, on va dire. Où là, il y avait une planche de grande taille. Où là, c'était plutôt des festivals. Et là, il y avait une ambiance plus bon enfant, plus petite communauté qui se retrouve et qui surfe, qui se rencontre. C'était beaucoup plus sympathique et j'ai préféré la catégorie longboard à la catégorie petite planche. Lorsque vous êtes en capacité d'avoir des sponsors, est-ce que c'est votre physique qui vous permet de l'avoir ou est-ce que c'est votre talent de surfeuse qui vous permet de l'avoir? Je ne sais pas, mais effectivement, il y a des critères chez les sponsors assez particuliers. C'est-à-dire? Particuliers. Dites-moi. Et il fallait faire des paritions dans les magazines, il fallait avoir des photos, des résultats sportifs. Je pense que les résultats sportifs, je les avais, mais tout le reste, je ne l'avais pas fait, donc ça s'est arrêté. Frédéric Serral, fondatrice du magazine de surf féminin Immersion. La pratique du surf sous-entend que la surfeuse est en maillot de bain ou du moins en combinaison, mais en tout cas, voilà, il y a un rapport au corps, hein, qui est un rapport au corps probablement beaucoup plus dénudé que dans d'autres sports. Donc, il y a une mise en avant du corps de la surfeuse, mais cette mise en avant de son corps, elle peut être autre chose que un objet réifié, chosifié, et elle peut ne pas passer par une sexualisation de ce corps, en tout cas avec le magasin. magazine, ce qu'on voulait, et aussi avec l'Instagram, c'était être dans une maîtrise, en fait, de l'image que la surfeuse veut donner d'elle-même. Ce qu'on ne voulait pas, en fait, c'est avoir des articles qui étaient imposés par des marques, où elles imposent les photos, elles imposent le contenu. Ce qui est le fait souvent dans les magazines mainstream. La maman de Liane Curren, Marie-Pascale Delanne, qui était elle-même championne de surf, nous disait « Mais la place de la femme, elle se gagne, il est question de masse critique. » On ajoutera à ces paroles que Marie Tchoudarigan, en créant Roxy, va permettre à de nombreuses femmes d'aller à l'eau, et que cette place, elle n'est pas seulement gagnée dans un militantisme féministe, mais également dans une structuration de la société et une obtention de la place par le nombre de pratiquantes et le nombre de personnes féminines aux commandes de l'industrie du surf. Il y a une place qui est en train de se gagner, mais il faut la gagner. Et est-ce que finalement c'est normal de devoir la gagner ? Je ne suis pas sûre que le statut des hommes soit un statut qui doive se gagner. Donc effectivement, cette égalité-là en termes numéraires, elle ne se traduit pas par une égalité en termes de représentativité. Encore à l'heure actuelle, dans les magazines mainstream, de par le monde, il y a une très très grosse proportion de représentativité masculine et une très faible proportion de représentativité féminine. On a des magazines qui mettent plus de 30 ans à faire une couverture avec une femme. Des magazines qui sont des références. Tu penses à Surfer Magazine ? Surfer qui première est... Première une, Lisa Andersen. Voilà, 34 ans, après le début de la création. Surfer Journal, 18 ans. Avant de mettre une femme, Belinda Bagg en l'occurrence, en couverture. Donc ça pose des questions. C'est-à-dire, finalement, ces femmes, on les a niées à un moment donné. Elles étaient là, mais on n'en a pas parlé. Donc on a nié leur existence. Et en niant leur existence, on les a empêchées de créer une vraie culture surf, en tout cas de participer à la culture surf, hein, parce qu'on ne doit pas forcément isoler la culture surf féminine, hein, je pense qu'elle fait partie d'une culture plus globale, mais en tout cas on les a niées comme faisant partie de la culture surf. Frédéric Serral, comment tu vois l'évolution de la représentation de la femme, de la place de la femme dans le surf, des années 20, 30 jusqu'à nos jours ? Alors, moi, je pense que le chemin a été déjà déblayé par un certain nombre de féministes et par un certain nombre de femmes engagées. Mais en tout cas, je le sens. J'ai pas une vision historique très complète de par ma formation, mais en tout cas, je sens qu'il y a quand même une bascule avec Instagram et avec les réseaux sociaux, parce que ça a été des médias à double tranchant. C'est-à-dire, à un moment donné, ça a permis aux femmes de s'approprier leur image et de montrer l'image qu'elles souhaitaient s'approprier. Et en même temps, c'est des réseaux qui exacerbent le narcissisme. Et il y a certaines femmes qui vont tomber dedans et qui, pour gagner une crème solaire, un maillot de bain, vont proposer une image de leur corps qui est celle finalement qu'une société patriarcale attend d'elle, hein, c'est-à-dire une image effectivement de femme objet, de femme porte-manteau, un corps très sexualisé. Voilà. C'est le cas pour certaines surfeuses, mais je crois qu'il y a d'autres surfeuses qui ont pris le parti de faire des choix différents, comme par exemple Mel Sally ou Lea Dawson ou Belinda Bagg, qui sont des anciennes compétitrices qui ont fait le choix d'abandonner la compétition, qui sont maintenant des free surfeuses, mais qui sont reconnues dans le milieu du surf pour être parmi les meilleures surfeuses mondiales, qui ont développé des styles bien à elles. Elles ont envisagé le surf vraiment pas comme un divertissement, mais comme une façon d'être au monde avec la pratique du surf. On peut peut-être ajouter dans cette catégorie Léa Brassi, la free surfeuse. Léa Brassi en France, ça peut être Justine Dupont. Voilà, c'est des surfeuses qui n'ont pas forcément sexualisé leur image et pas répondu à cette attente en tout cas. Bon, je récupère ma planche. Je vais stocker celle-là. Quelque part sur la côte landaise. Ta direction ? Une fois que tu prends ta direction, bah alors après, libre à toi de t'exprimer comme tu te sens. En fait, le style, il est même déjà quand tu choisis ta vague. Hein. Et ensuite, ce que tu vas dessiner dessus, quoi. Ah, L'horizon se trouble. Ouais, là, il y a une crête qui arrive. Bon, tu m'en veux pas si je t'abandonne pour en prendre une, hein? Non, non, pas de problème. Tiens, regarde. Celle-là, elle est belle, hein? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Léa Brassy, surfeuse professionnelle. Alors, tu dis que l'environnement majoritairement masculin du surf ne pose aucun problème lorsque tu te lances dans la discipline. Ah non, à l'époque, c'était même un avantage d'être une fille. En fait, j'étais un peu la chouchoute, quoi. J'étais un peu la mascotte j'étais la plus jeune et j'étais une fille, donc... Bah forcément, c'était plutôt agréable. J'avais l'impression d'avoir une bande de grands frères qui s'occupaient de moi, quoi. Mmh. Donc de là à comprendre réellement comment le pic fonctionnait et tout ça, au tout début, on n'en était pas là. Mais c'est surtout qu'il y avait beaucoup d'encouragement et une bonne énergie autour des sessions. Et du coup, c'était chouette, quoi. Donc forcément, quand on évolue dans un environnement d'hommes, bah on va être les gens qu'on va regarder comme des modèles, c'est souvent des hommes. Après, selon un petit peu sa sensibilité personnelle, on peut être attiré vers différents styles. Et c'est vrai qu'il y a des styles qui sont plus agressifs, plus compétitifs, plus verticaux, plus en puissance, tout ça, qui sont quand même plus généralement pratiqués par les hommes. Bien qu'il y a quand même quelques surfeuses qui collent particulièrement à ces critères. Personnellement, je suis très touchée par les gens qui choisissent des jolies lignes. Bon, il y a beaucoup d'hommes qui font ça, mais il y a aussi par exemple des surfeuses comme Léa Dawson, que je trouve particulièrement touchante parce qu'elle s'autorise à regarder la vague avec un angle complètement différent. Elle s'autorise des choses parce qu'elle est très exubérante comme ça, mais avec beaucoup de justesse. Vraiment, non pas pour faire jolie, mais juste parce qu'elle se ressent exubérante de l'intérieur. Je la connais un petit peu. Et elle est très touchante parce qu'elle vit les choses avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et du coup, je pense qu'elle s'autorise des choses que beaucoup de gens ne s'étaient pas autorisés avant. Et comme elle est très féminine, beaucoup de femmes aussi se reconnaissent là-dedans. Elle surfe comme elle danserait finalement. Elle choisit des positions du corps, mais du corps par rapport à la planche, qui mêle à la fois du shortboard et à la planche courte. Ouais, de la planche courte, et à la fois il y a un petit peu de longboard, il y a le côté danser avec ce bassin qui s'avance vers l'avant, les bras un petit peu qui prolongent la position, la courbe. C'est une intuitive, hein. Elle a fait ça, ça lui sort des tripes en fait, hein. Cette fille, elle le réfléchit quand elle est debout sur sa planche, quoi. C'est vraiment, je crois qu'il y a de ça qui est touchant, et je crois que c'est ça qui est particulièrement féminin aussi. C'est ce rapport à l'intuition, finalement. Quand il n'y a pas de calcul, quand on ne cherche pas à impressionner, quand on ne cherche pas à être le meilleur, mais qu'on cherche simplement à s'exprimer, qu'on cherche à mettre une émotion en forme, à mettre une émotion en trajectoire, en mouvement, juste parce qu'on a besoin de l'exprimer, en fait. Et parce que ça fait du bien, à la fois de l'exprimer, à la fois pour la personne qui l'exprime et pour la personne qui le reçoit. Et finalement, ça, pour moi, c'est très féminin. Donc, ces choses-là. Et ensuite, elle choisit des trajectoires minimalistes sur la vague. Donc, elle va en faire moins, mais mieux. Moins, mais plus appuyée, plus assumée. Elle va dessiner moins de courbes sur la vague. Mais chaque courbe qu'elle va faire, ça va permettre de mettre en valeur la vague. On voit davantage la vague. Alors que peut-être dans un surf conventionnel, on va chercher à faire davantage de mouvements. Mais ces mouvements, des fois, ils deviennent presque parasites par rapport au déferlement de la vague. Parce que quand on fait une courbe en surf, il reste toute la traînée derrière nous. Voilà. Et donc son dessin, à elle, il souligne davantage le dessin de la vague plutôt que de l'effacer, quoi. Ouais, Léa Dawson, c'est un exemple parfait parce qu'en fait, moi, je l'ai rencontrée à l'époque où elle surfait beaucoup en compétition. Et du coup, voilà, elle a complètement changé son surf et je pense qu'elle évolue en s'inspirant, je pense, de surfeuses dans les années 60 quand même, hein. Margot Aramontuco, surfeuse professionnelle. Je pense que la façon dont le corps va... va bouger, va être au final moins athlétique. Il va être plus dirigé naturellement, en fait. Par exemple, je vais bouger mes épaules en arrière, et au lieu de les bouger tout d'un coup, et pour pouvoir aller en haute vague, elles vont se bouger un peu plus lentement, et en fait, avec une souplesse un peu plus qui va suivre en fait un mouvement gracieux, quoi. Plus qu'athlétique, pour moi, c'est ça, en fait. Et du coup, je trouve qu'on retrouve ça dans le surf, même à l'époque où les filles voulaient surfer comme des garçons. Le truc avec la femme, en fait, c'est qu'elle a un corps différent. Et du coup, quand elle... au niveau des hanches et au niveau déjà de la façon de bouger son corps, même quand elle parle ou quand elle marche, c'est pareil en surf, en fait. Ça va être gracieux, quoi qu'il arrive. Et moi, quand je vois un garçon qui a un style un peu... Je dirais, c'est pas féminin, c'est juste une façon, de sur la planche, de bouger son corps qui élégante. Est élégante, exactement. Et ben, c'est magnifique à regarder, quoi. Je trouve ça magnifique. Tu as un compte Instagram? Oui. C'est important? Oui et non. Moi, je trouve ça important parce que c'est comme ça que les gens vont voir un peu ce qu'on fait. Moi, j'aime bien poster ce que je veux. Je me force pas à poster ce que j'ai pas envie de poster. Donc oui, j'ai la chance d'avoir ça. Après, je vois des filles que je connais qui ont réussi à en faire donc leur business, et elles prennent du temps à faire ça. Elles y passent des heures, quoi. Et elles vont aller justement, elles font du comme une sorte de marketing, quoi. Elles vont aller vendre des produits. Elles montrent un peu toute leur vie. Et je pense que à partir du moment où t'es lancé là-dedans, si tu veux continuer à gagner de l'argent, t'es obligé de continuer à faire ça. Donc puis du coup, les marques leur envoient des produits, les payent. Sur chaque poste, en fait, ça peut être, voilà, on va vous donner tant d'argent pour un post Instagram. Et du coup, voilà, c'est un business pas possible, quoi. Mais les garçons font aussi ça. Hein. Même les garçons qui ont beaucoup de followers sur Instagram font aussi ça. Ça marche dans les deux sens. Après, voilà, moi, j'ai souvent entendu, en fait, que pour avoir des followers, il fallait montrer ses fesses. Et souvent, quand on regarde justement les statistiques de ces comptes-là, il y a quand même 3/4 d'hommes et 1/4 de femmes qui suivent. C'est plus un asservissement volontaire à la Bossuet que finalement une contrainte qui va être imposée par des marques ou des médias, puisque là, les femmes font finalement un peu ce qu'elles veulent sur des réseaux comme Instagram ou Facebook. Donc il n'y a pas forcément d'obligation de mettre en avant leur corps et de le sexualiser sur les réseaux sociaux. Mais voilà, elles vont le faire parce que ce que je pense, c'est que fondamentalement, elles sont pas ancrées dans une histoire du surf avec un passé, un présent et un futur. Elles sont dans l'instantané, dans de la consommation, et elles ont pas réfléchi sur finalement ce que c'était vraiment que surfer, sur ce que c'était que le statut de la surfeuse, sur une histoire féministe du surf. Donc on est dans de l'instantané, dans du bonheur objet, dans ben voilà, je me montre avec mon corps d'adolescent ou de jeune adulte dans des postures sexualisées pour obtenir une crème solaire, un maillot, une combinaison avec ces nouveaux réseaux sociaux. Quelle est la condition de la femme surfeuse aujourd'hui en 2020 par rapport aux années 70 quand vous avez vous-même découvert le surf ? Je dirais que bon, à l'époque, on était très peu, donc... on était peut-être plus regardées. Maintenant, les femmes sont devenues... Il y en a tellement qu'elles sont devenues aussi compétitrices dans l'eau. Donc, il n'y a plus de cadeaux pour personne. Maintenant, je pense que... Bon, on voit le côté... au niveau des compétitions, c'est quand même formidable que les femmes aient accès à des vagues de qualité. On a le prize money aussi, qui est maintenant équivalent pour les hommes... que pour les femmes. Ça, c'est quand même important, parce que c'est un des rares sports au monde où les hommes reçoivent les mêmes prix que les femmes. C'était depuis 2019. Oui, mais bon, on est quand même... ça a pris du temps, mais petit à petit, à ce niveau-là, je trouve que c'est formidable, parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas du tout le cas. Au niveau pratique, maintenant, c'est vrai que... Moi, ce qui m'avait marqué aussi à l'époque, les parents ne nous amenaient pas à faire du surf. Les femmes, les filles, on allait à la danse et au cheval. Maintenant, on voit que les parents n'ont aucun problème pour amener leurs enfants garçon ou fille, c'est pareil. Hein. On va soit au surf, soit au sauvetage côtier. C'est devenu quelque chose de naturel, ce qui fait que bon, il y a de plus en plus de gamines qui apprennent à surfer très tôt. Et ça, c'est une évolution parce que justement, les parents ont été surfeurs. Alors c'est intéressant parce que vous êtes 5. Vous êtes 5 et une fille. C'est un petit peu représentatif peut-être. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de femmes et de filles dans l'eau, même si ça arrive de plus en plus. Ouais, pourquoi ça arrive de plus en plus? Bah, je pense que c'est un sport qui s'ouvre plus aux filles et aux femmes. Et même elles montrent qu'elles ont du niveau. Je pense que ça se passe peut-être mieux au pays que. Il y a l'effet de mode maintenant, toutes les filles. Ils sont sur les pubs, elles sont en bikini, elles sont bronzées, elles font du surf. Ah, c'est vrai, ça. Donc ça amène aussi les filles à s'essayer au surf. Moi je pense qu'il faut distinguer les deux, l'effet de mode, l'image que renvoient les magazines, les médias, les pubs, et qui est un petit peu faussée et qui renvoie aussi une image de la fille qui va poser sur la plage, qui va aller surfer des vagues de 50 cm, mais qui va pas vraiment s'engager, qui va pas aller surfer au-delà, qui va faire ça plus pour l'image, alors que aujourd'hui c'est pas vrai, il y a plein de filles qui s'engagent, ben comme Justine Dupont, mais bon, Justine Dupont est vraiment l'exemple de la surfeuse qui a galéré pour faire sa place justement, parce que ben, c'était pas l'image que voulaient les magazines, les médias. Et moi ben, je trouve que c'est vraiment le rôle des médias aujourd'hui de montrer autre chose, que la femme c'est pas juste la fille en bikini sur la plage, c'est aussi la fille qui s'engage, qui va surfer ben, à part le mantia quand il y a 3 mètres, et qu'elles en sont capables, et aujourd'hui le niveau chez les filles il a explosé. On attribue souvent le surf des filles à un surf gracieux, à un surf délicat, un peu comme de la danse, même si c'est en longboard, on peut faire des manœuvres qui sont osées, qui sont difficiles. Mais il y a aussi plein de filles qui font, ou de femmes qui ont des surfs puissants, qui ont des surfs radicaux et qui font des choses qui sont impressionnantes. C'est ton cas, Marie? T'as un surf puissant, radical, tu cisailles la vague? Non, pas du tout. Non, moi, je fais du longboard, alors pas du tout. J'ai pas du tout pris cette voie-là. Moi, le longboard, ça m'a beaucoup inspirée pour ça, pour la grâce, ouais. On va préciser que t'es championne de France de longboard dans ta catégorie. Ouais. Deux fois. Et on va peut-être avoir ton nom de famille. Marie Chauchet. Mais du coup, oui, je suis partie un petit peu sur cette voie-là. Mais après, ça n'empêche pas de pouvoir revendiquer ce côté-là que peuvent avoir d'ailleurs des hommes, hein, hommes et femmes, ce côté plus gracieux, plus élégant. Et le mêler aussi à de l'engagement. C'est-à-dire que l'engagement, c'est pas forcément quelque chose, pour moi, où on va cisailler, où on va découper la vague. Ça va être aussi se confronter à des conditions plus solides. Ça va être aussi s'engager quand c'est un petit peu plus creux. Est-ce que tu considères que t'as le physique et l'apparence de la surfeuse selon les sponsors? Déjà je fais 1m52, donc c'est assez révélateur. C'est assez révélateur, on cherche plutôt des filles grandes, élancées. En plus, j'ai toujours fait beaucoup de sport, donc j'ai quand même une bonne musculature un petit peu développée. Ouais, donc j'ai les épaules. Mais j'ai fait un petit peu de sauvetage côtier, ouais, je pense que ça contribue à ça. Mais sinon le surf ça suffit pour développer les bras, en tout cas à la rame. Quels sont les compromis que tu dois faire? Alors moi je suis toujours partie du principe que l'image ça se construit à partir du mérite aussi, à partir de la progression. Et je suis pas allée chercher le sponsor en premier, je suis d'abord allée chercher la progression, le niveau et la légitimité. Je pense que la légitimité c'est très important avant l'image, avant le nom, avant tout ça. Et c'est un petit peu le problème qu'on retrouve aujourd'hui avec les sponsors, c'est qu'on va aller chercher des filles qui oui ont un super compte Instagram mais n'ont aucune légitimité, un niveau plus que moyen qu'on peut vraiment remettre en question. Et du coup moi j'ai essayé d'abord de construire mon niveau, construire ma légitimité à l'eau, me construire moi dans mon surf avant d'aller chercher des sponsors. Et j'ai eu la chance, c'est pas moi qui suis allée les chercher, donc ça a été via aussi des amis, des moniteurs de surf qui ont cru en moi et ils se sont rendus compte que je pouvais apporter une autre image au surf, peut-être pas basée sur la mode, sur le mannequinat, mais peut-être basée sur l'aventure, sur la rencontre, sur le voyage, sur l'envie de se dépasser, de partager. Et le bon esprit à l'eau aussi. Et le bon esprit à l'eau, tout simplement. Les valeurs qu'on renvoie aussi, parce qu'on est la génération de demain. Donc voilà. C'était Surfeuse, coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier, mixage Régis Nicolas, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Gilles Mardi-Rossian. Avec Léa Brassi,